60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. J'aurais du classable le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Merci beaucoup à JP Mortier d'être venu nous rejoindre en studio. Je sais que tu as un été passablement occupé et c'est très gentil d'être venu nous démontrer ton talent. Est-ce que tu pratiques la couture en solitaire chez toi? La couture, pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, non. C'est quoi ton passe-temps préféré? Ah ben mon passe-temps, c'est 24 heures sur 24. Je suis autoproduit. C'est moi qui manage mes albums, ma carrière, mon booking, le site web, etc. Tu es ton hobby préféré. C'est juste... Ouais, non, c'est pas mal ça. Ouais. Ça donne des résultats vraiment incroyables. Ouais, vraiment bien. Très content de t'avoir avec nous. On t'avait découvert ici à douteux.tv au compte à rendre, je pense, c'est quelque part au printemps passé. Et puis, ça faisait longtemps que je voulais le ramener parce que c'est non seulement un produit québécois du terroir, mais c'est en plus quelqu'un qui est disponible et qui a du talent. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires qu'on aime bien recevoir ici chez nous. Dans le fond, t'es en plein milieu d'une tournée de spectacle un petit peu pan-canadienne? Ben, plus ou moins. J'ai décidé de faire quelques... Je suis en mode enregistrement en ce moment-là. Oh, yeah. Je travaille pour le prochain album pour l'an prochain. Okay. Mais il faut quand même rester visible. Donc, je me dis, bon, j'ai fait une couple de shows en Ontario la semaine passée. Okay. Là, je m'en vais au Nouveau-Brunswick le 10 septembre à Fredericton, à Wilster's Room. Et le 13 septembre au Taco Pica, à Saint-John, Nouveau-Brunswick. Oh yeah, t'aimes-tu ça, jouer au Nouveau-Brunswick? Ben, ça va être la première fois. Ah ouais? Oui. OK, cool. Moi, j'ai déjà fait des spectacles là-bas aussi, puis j'aime beaucoup le Nouveau-Brunswick. J'ai eu beaucoup de bons... Qu'on se le dise. Là, j'ai eu bien du bon feedback. Va donc jouer là-bas, parce que, regarde, le monde est excellent. Puis là, tu nous as fait The Bartender, ça a été la première chanson. Ouais, c'est Packed House, là, non? OK, ben, même si je dis Bartender tout le temps. Ben voilà, The Packed House. C'est ça. OK, OK. Ça veut dire qu'il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Il est occupé. Même qu'il n'y a personne. Et puis là, tu nous en fais une dernière avant de quitter vers les horizons de l'Est. Absolument. Ça va parler de quoi? Cette chanson-là? Ben oui. Disons, j'allais jouer Broken Bottles, mais pas, je l'ai devais jouer avec Yvon Jean il n'y a pas trop longtemps. Fait que je vais en jouer une autre. Donc, il va pour de la variété, j'adore. Exactement. Il me comprend tellement. Donc, est-ce que tu peux mettre le mot ninja dans ta toune à un moment donné? Ninja, OK, ouais. On va essayer ça. Yes! All right, on est à 70. Puis là, cette toune-là s'appelle Man of the Year. Man of the Year. Puis c'est une chanson pas mal plus techno, beat, disco, machin, mais je vais l'acheter. Fais faire ça acoustique. On te sent versatile, on est en très bonne main. Exactement. On est à 70% pour une autre chanson. Juste après ça, on va écouter un petit clip. On reçoit Marcella et le projet Poutine versus Poutine. On a Giz, on a Mathieu Boudreau, on a plein de monde. Là. J'oublie quelqu'un, j'aime pas ça. J'aime pas ça oublier quelqu'un. Merci, man. Merci, JP! JP! Troubadour was a cavalier. He was the man, man of the year. Walking around with a pop-by hat, dream in his hat, about a dancing cat. Now, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, man of the year, rule of the masses, all of the passes day. Yeah! Saver, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Mortier au complet. Donc, on commence l'émission avec quelque chose de beau. C'est du Jean-Claude Van Damme, comme la semaine passée, parce qu'on n'a pas encore fait le plein. Merci encore, JP. Merci beaucoup. Avec des yeux, avec des ondes. Très pour vous, il y a des gens, les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Nous, on vit dans la tête. Et eux se communiquent, vu qu'ils ne savent pas parler dans l'eau, ils se des ondes. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love ou de hate. Et la communication se fait comme ça. Maria et Joseph. C'était un couple parfait qui s'aimait et ça a fait un petit enfant qui s'appelle Jésus et qui a cru à des choses qui sont pas croyables. Je te donne ça en échange de rien. Ah non, c'est pas possible. Allez, il va refaire la gaffe. Alors je te donne ça et je dis ça en échange de rien. Ah, encore une fois, allez, je donne ça en échange de rien. Ah ben, il faut le crucifier, hein. Il est en moi parce qu'il est un fou. C'est pas un mec normal. Il n'est pas comme nous. C'est un tocard. Il donne tout aux gens, il partage tout, mais il veut rien en échange. Il faut détruire ces mecs-là. Ils sont mauvais pour la nature. Vrai ou pas vrai? Enfin, je crois pas. Toi non plus. On a tous, à l'intérieur de soi-même, deep inside, vraiment à l'intérieur, quelque chose de invincible, qui s'appelle le spirit, l'esprit. On a été bâti comme ça. On a été fait avec le spirit. Ça, c'est la ligne droite des corps. Nous, on pense horizontal. Une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures. On est insécure. Les gens ont peur du temps. Vous voyez? Alors, on dit, quel âge tu as? 40 ans? Oh, t'es encore... Alors, quand je dis que je vais mourir à 45 ans en TV, ben, il nous faut de la gueule des gens. Ils n'ont pas compris. On rigole souvent. Parce que le temps, les secondes, entre toi et moi, sont des secondes. Mais pour l'oxygène, qui est une matière moins compressée que ton corps humain, une seconde, c'est 100 secondes. Et la pierre et la brique, je sais pas quoi, elle est faite de compression énorme. Il faut la Black & Decker pour en faire. Mais tu enlèves cette pression et tu deviens vertical comme l'esprit, tout tombe. Qu'est-ce qui reste en vie? Les molécules faites d'électricité, parce que ça bouge. Alors, il y a les molécules qui sont faites de flèches. On dit qu'on parlait de film, hein, je m'excuse. Et alors, l'électricité qui est faite au plus fin de sa couche de feeling. Ça s'appelle love. Et mon feeling est, je sais qu'on écoute avec vous l'attention, mais c'est dur d'entendre des choses comme ça quand il parle de la pomme et du serpent et de Adam et Eve. Mais ça, c'est des questions beaucoup plus posibles. Le Big Bang Theory d'Einstein, I mean, tu mets une molécule ensemble que tu crées, qui n'a pas lui, hein. Ou là, il n'a pas la molécule. Nous, on l'a. On veut la garder, tu vois. Et lui, il a cette énergie qui a fait le Big Bang et l'univers a grandi. Et c'est ça le monde. Il n'est pas très bien traité quand même, on a un peu de la peine parce qu'on se dit, dis donc, bonjour. Moi bien, je dis pas méchant, je dis en normaux. Est-ce que c'est une personne normale? C'est une personne comme moi. C'est des gens qui disent du mal des gens. C'est des gens qui disent, j'ai menti. Bon, on est des gens normaux. Et heureusement qu'on a ces péchés. Qu'on appelle péché dans certains bouquins. Heureusement qu'on a le haut et le bas. Parce que sinon, si tu es toujours heureuse, après 3 secondes, je te promets, tu t'emmerdes. Si tu connais la question, la réponse avant la question, tu t'emmerdes. Il s'emmerde. Et vous, il a besoin de nous pour sentir les sensations de la vie. Qu'est tout pas eux. Et si. C'est ça la vie, ouais. Pardon. Non, je t'en prie. Et si vous deviez vous être cloné, qu'est-ce que vous aimez alors? Pardon? Oh. Je me clone, j'aurai un clonage, j'aurai donc un Vandamme avec votre visage et votre physique. Comme ça, tous les soirs, quand je me brosse les dents, je peux voir mon beau visage dans la glace. Voilà, la réponse. Mais si vous deviez changer, être le même Jean-Claude Vandamme, mais avec d'autres qualités, d'autres défauts, je parle d'un point de vue moral, qu'est-ce que vous changeriez, qu'est-ce que vous garderiez de chez vous? Beaucoup plus de... Je suis encore assez jeune. Et quand je rentre dans une pièce et je sens qu'on va m'agresser, le feeling, les vibes, être moins sur la défensive et être plus ouvert et avoir moins peur de la vie. Parce qu'on a tous peur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces et beaucoup de guerres. Mais quand on n'a pas peur et les gens sentent ça, les portes s'ouvrent. Ça, c'est une chose, et la patience. J'ai pas assez de patience pour l'instant. Mais peut-être que c'est une qualité parce que j'avance très très vite. Mais d'un autre côté, ça fait très mal aux artères, au cœur, au foie, aux enzymes chemical in the brain. So, ça devient chronique. Le matin, quand je vais très vite, ça devient chronique. Le stress, c'est chronique. Il y a deux stress. Le stress normal, on met une claque, j'en verrai une, c'est fini, on en a vu. Le chronique, ça se build. Attention, c'est... Ouais. Jean-Claude Van Damme, quel homme! Merci à PJ qui fait le relais à la caméra, à la console en fait. On a Guiz à la caméra, plein de gens ici qui sont là pour 70%. Et on a des invités particuliers que vous avez déjà peut-être rencontrés parce que c'est des employés du brouhaha où on est présentement live. Et vous avez un projet, mesdames, quelque chose pour essayer de brasser les cartes, là, tu sais, choquer, là, tu sais. Oui. Ben, pas tant choqué, plutôt que rassemblé, là, dans un sens où est-ce qu'on veut pas trop faire quelque chose qui va être violent ou de protestation, c'est pas l'idée principale. Le but, c'est surtout de rassembler le plus grand nombre de personnes qui soit sont partie, font partie de la communauté, communauté, j'aime pas le terme, là, mais bon, que ce soit lesbienne, gay, homosexuel. Ben, pas besoin d'être gay pour pas aimer le monde qui empêche le monde d'être comme ça. C'est exactement, mais c'est surtout, les, c'est surtout tous les autres autour qu'on veut aller chercher, rassembler. Donc, on parle de quoi, là? On est en train de... On va organiser un événement le 7 février prochain qui va être... qui va s'appeler Poutine contre Poutine. En fait, ça va être de manger une bouchée de poutine pour faire un statement politique pour... être solidaire envers tout, tout le monde qui vivent en Russie présentement puis qui ont qui vivent une répression juste par le fait de leur orientation sexuelle ou de leur choix de genre ou de sexualité, peu importe tout ce qui touche. Il y a des lois, en fait, qui criminalisent le fait d'être... de près ou de loin homosexuel, de juste faire la propagande. De ouais, c'est ça, c'est la zone grise en fait qui est choquante parce qu'ils peuvent parce arrêter qu'ils n'importe quel énormément. Qui eux autres ils disent c'est pour protéger les enfants, mais dans le fond ça leur donne le droit d'arrêter n'importe qui pourrait mettre de l'avant. Qu'est-ce qui n'est pas tout ce qui est pas traditionnel ou non, tout ce qui va être non hétérosexuel finalement, qui va être mis ou exprimé publiquement. Poutine en bédaine, pas de poils, ça. Est-ce ça, que c'est pas ça. Non, non. C'est pas gay, okay, c'est bon. Non, Google, c'est bon. Google nous sort de belles photographies de lui sur son cheval en bédaine, avec des gommes. Mais c'est ça, beau. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est de rassembler le plus de gens possible qui sont contre ce type de loi-là, ce type de répression-là, puis de les inviter à tous se rassembler autour d'un événement festif qui va être de manger de la poutine au brouhaha. Donc, juste ça. Là, ça se campe pas pire, ces hétéros. En effet. Fait que dans le fond, votre but, c'est parce que vous êtes pas contente puis vous voulez que le monde le sache. C'est ça. Ben, entre autres, oui. Oui, moi, c'est juste ça. Que fait, ça. Ben, c'est ça. Puis c'est aussi le fait que, tu sais, nous, en tant que personne, tu sais, si on veut même juste voyager en Russie ou de quoi, on va se tenir la main puis on risque, je pense, c'est 2 semaines d'emprisonnement. D'emprisonnement. Là, allez-vous apprendre? Ils vous mettent-tu dans la même prison, là? Non, je sais. Non, ils mettent dans des camps. Ça me semble, ça a été une prémisse. Ouais. Beaucoup de filles qui sont virées. Oui. À voile et à vapeur. Voir, là, qui mettent dans la même cellule. Ah, ben, ouais. Colin. En tout cas, moi, je suis content qu'il y ait des gens qui soient encore capables de créer des affaires pour aider des personnes qui vivent de la discrimination ou des affaires qu'il ne faut pas vivre de l'autre côté de la planète ou sur un autre continent. On est très content que vous ayez pensé à nous. C'est sûr et certain que si on peut gueuler ce message-là, on va le faire haut et fort. Ben, merci parce à vous. Parce que, Colin, si t'es rendu à t'intéresser, c'est quoi qui fait bander l'autre, c'est louche en oui, c'est ça. Entre autres. Qui le weirdo? C'est ça. Fait que là, c'est quoi qui se passe? C'est le 7 septembre, on se ramasse au brouhaha, puis on mange la poutine en envoyant chier. Non, c'est le 7 février, parce que c'est le jour... 7 février 2014. C'est ça, c'est le jour de l'ouverture des Jeux, puis qu'on va diffuser quand même, parce que l'idée, c'est pas de boycotter les Jeux ou les athlètes ou toute l'institution en telle qu'elle, parce que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est M. Vladimir Poutine qui fait des lois tout à fait. OK, parce que là, ils vont hoster les Jeux d'hiver olympiques. Fait oui, ils ça vont mettre Russie. En prison toutes les patineurs ben, artistiques. C'est ça, et les lois sont sans... oui! L'hécatombe! Et les gymnastes! Allez, l'équipe d'hockey féminine! Je pense pas qu'ils vont vraiment y aller. Okay. Ça peut pas bien finir. Non, hein? Pas vraiment. Bon, ben, en tout cas, merci les filles. Avec plaisir. On est encore une fois très disponibles. Cool. Ben, c'est parfait. Plaisir. Si on peut encore en reparler. Sinon, ben, on va retourner écouter un clip que notre technicien de console qui s'appelle PJ a choisi d'espérer. Bruno, bon, vas-y, là, dans 70% temporaire. Sinon, ben, Bruno va revenir juste après pour sa première ronde de nouvelles. On a Giz, on a Mathieu. Il paraît qu'il est en feu aujourd'hui. Il m'a envoyé des photos. Il a dit, man, j'en ai plein. Puis là, je peux pas dire ça à TV, même à celle des délaissés. Merci, on part à 70%. Let's go, next! C'est... Attends, on fait la petite danse. On fait la petite danse des contents. We spent the summer the way we always do, at our grandpa's cabin. Yeah, well, most kids are at some stupid camp. Me and my brothers. My brothers and I. Whatever! We spent the summer learning old-fashioned, really cool ninja stuff from our Japanese grandfather. Most days began the same way. Every morning, he would wake us up with a different test. Don't move. Wait, wait. Hold your fire. Hold your fire. It's my father-in-law. What are you doing here? I came to check on the family. Daddy Snyder took the boys. Snyder. I'll get the boys back for you. What, you? Oh, come on, Maury. Sam, Snyder's got a ship in the harbor. I know. Berth 6. How did you know? I'm a ninja. I could hardly follow him. Simple. We followed you. Okay, okay. In Snyder's heart, he's still a ninja. You take a ninja to break him. Come on, Maury. We don't have time for ninja games. I'm not playing games. Look, give me 10 minutes. I'll have 100 men there. Stop. Là, ça fait 3 semaines que mon intro jam, là, Tommy, là. Ouais, c'est pas que je l'aime tant que ça. Ben, je sais, Bruno, mais je sais que toute l'équipe fait tous les efforts qu'ils peuvent pour changer ça. Puis je t'ai entendu tantôt, justement, travailler fort pour que ça change. Puis, en tout cas, Mathieu aussi est en train de pelleter du charbon pour qu'à un moment donné... Parce que s'il y a quelqu'un qu'il faut que ça look professionnel ici, c'est ben moi. T'as raison. Bon, mais okay. Tu devrais pas engueuler le technicien, ça fait pas professionnel. Allez, let's go, man. D'accord, alors le Downtown Hotel de Dawson City au Yukon pratique une tradition célèbre de Dawson City qui consiste... Attention, bear with me parce qu'il y en a du stock dans celle-là. Qui consiste à boire un shot de Yukon Gold avec un orteil humain desséché dedans. De Kevin? Ouais, t'en avais déjà parlé de ça. Le client doit toucher à l'orteil déshydraté, préservé dans le sel avec ses lèvres pour que la tradition soit respectée. Mais cette semaine, un client américain est entré dans le bar et ayant conclu que la tradition n'était pas assez intense à son goût, a décidé d'avaler l'orteil humain en buvant son shot. Hey, puis ça a l'air gros, là, c'est... Pour empêcher ce genre de comportement, ou d'autres plus compréhensibles comme perdre l'orteil ou voler l'orteil, une amende de 500$ a été établie. Le client, sachant que cette amende existait, a tout simplement avalé l'orteil et donné les 500$. The American way. Voilà. Yeah. Pour la légende, depuis que la tradition a commencé, en 1972, environ 60 000 personnes ont essayé le Sour Toe Cocktail et l'orteil a dû être remplacé 8 fois pour cause de vol, perte ou consommation orale. Quoi que ce soit la première fois que quelqu'un l'avale par exprès, a affirmé Terry Lee, le Toe Captain qui était en service ce soir-là. L'officiel, le Toe Captain. L'amende a depuis été augmentée à 2 500$ pour dissuader les petits comiques. Ouais, mais pas les Américains. Non, les petits comiques américains. Ouais, c'est ça. Let's go pour la prochaine. D'accord. James Pace de New Haven, au Connecticut, se faisait écœurer par un raton laveur qui grattait à sa porte. Il a donc décidé d'aller à la chasse au raton. Armé de sa 22, l'homme de 81 ans s'est installé sur son portique en attendant le retour du raton. Malheureusement pour lui, un éternuement l'a fait tomber par en arrière et sa carabine s'est déchargée, une balle allant se loger dans son tibia. Ah, oh, sacrament! L'homme a été transporté à l'hôpital pour traiter ses blessures. On ne craint pas pour la vie du raton. Parce qu'on s'en crisse pas. La police de Houston a accusé une fillette de 10 ans de voies de fait graves après qu'elle ait été aperçue en train de jouer au docteur avec un garçon de 4 ans. On voit la terroriste, là, voilà, avec ses lunettes roses. c'est pas ça. Elle, c'est un enfant qui joue au docteur, là. J'avais pas la photo. Parce que même s'ils jugent les enfants comme des adultes au Texas, ils sortent pas leurs photos puis leurs noms dans les journaux. Ouais, comme des adultes, sauf quand. Voilà. Donc, la fillette qui avait 9 ans au moment du drame... Elle avait joué au docteur avec plusieurs garçons avant qu'un voisin ne la voie toucher aux parties privées du petit garçon de 4 ans. Horrifié, le voisin a appelé les parents du garçon et la fillette a 2 mois plus tard été arrêtée et accusée de viol. Son audience est due en octobre. 2 mois plus... Elle s'en rappelait même plus, non, la fillette. Probablement pas. Est-ce qu'ils ont donné une médaille au gars? Ça met du sable dans un vagin, ça, je te le dis. Let's go, man. Un autre pour puis au pan, ça a l'air vraiment glorieux. Joel Donaldson avait un plan infaillible. Il allait puncher une femme d'en face et lui voler son téléphone. Et malheureusement pour lui, son amour de la mode urbaine fut sa démise. En effet, ses culottes trop basses l'empêchaient de courir. Il zigzaguait de tout bas tout côté, mais n'arrivait pas à courir parce que ses pantalons tombaient, affirme un témoin. Il a été rattrapé quelques coins de rue plus loin par la police et a encore une fois été trahi par son style vestimentaire alors qu'il tentait de se sauver. Il a été accusé de vol et de voies de fait. Une autre victime de la mode, derrière les barreaux. Merci Bruno, on revient dans l'émission encore. Moi, j'ai deux affaires à vous montrer. Il y a un clip sur les sables bitumineux, mais en fait, sur les... Ouais, c'est ça qui a été comme banni sur YouTube parce qu'il paraît que c'est pas cool de quoi que ça parlait. Ah, puis il marche pas. Fait qu'on écoute le trailer de Riddick avec notre ami. Ah, puis il marche pas. Hey, ça me prend quelque chose, là. On est à 70% avec KM qui bug. Hey, ça fait deux semaines qu'il bug. Je pense que je vais en parler au responsable. Bruno? Ouais? Non, je vais aller chialer. Ah, c'est vrai, c'est parce que j'ai mis... Mathieu, raconte-moi un petit peu, c'est quoi le Haut Canada pour toi? Le Haut Canada, pour moi, c'est une chanson remplie de propagande, mais surtout, en fait, c'est une chanson qui a été écrite en français par des Québécois. C'est tellement exactement ce que c'est. Ce qui m'amène à pouvoir passer Fort McMurray. Ça m'a fait plaisir. Excellent. Merci beaucoup, Mathieu. De secours, man. Filmmaker, editor, and producer. Our videos have been seen millions of times on YouTube, on The Rachel Maddow Show, at South by Southwest, and at film festivals all around the world. And now we're going to the most environmentally destructive project on the planet, the Alberta Tar Sands, to make a feature-length documentary. The people that live near these mines are dying of cancer while the world gets hotter, and a small, small number of multimillionaires gets even richer. We want to go there and show the world what's happening. Scientists have called these mines game over for the climate, yet the oil industry is spending millions of dollars to convince you otherwise. The oil companies call it ethical oil, saying that these mines and the KXL pipeline will have no effect on climate change. Their advertising even asks people to come visit as tourists, which is exactly what we want to do. We're going to the tar sands as tourists to contrast oil industry PR with life on the ground. The slogan for the Alberta Tourism Board is Remember to Breathe, a slogan steeped in irony because the goings-on in Alberta right now will make breathing a challenge for all of us in the very near future. Check out our trailer. It's more interesting than two guys sitting in front of a tree. Some call Alberta's tar sands the most environmentally destructive project in world history. But supporters are spending millions of dollars to promote a more positive message. Tailing ponds are being cleaned up. You'll be able to drink from them. You're going to be able to fish from them. Our Canadian oil is ethical oil. It's like the fair trade coffee of the world's oil industry. And if you don't believe them, they've extended an invitation. Come to Alberta and see for yourself. And like the area's tourism commercials say, remember to breathe. So that's exactly what we're going to do. This summer, we're headed from one filthy cesspool to another to compare industry PR with life on the ground in the boomtown at the heart of the world's biggest environmental disaster. It's the very talented satirist Andy Cobb. We're going to ground zero for global warming, the KXL pipeline, and the future of the world. They call it Fort McMurray. Like any good tourist, we'll meet the locals and take lots of pictures. America's an oil junkie. This is life on the other end of the pipe. Welcome to Fort McMurray, and remember to breathe. So there is our trailer, and we need your help to make it happen. We need your contribution to provide for production, post-production, travel, lodging, all the things that are going to be necessary to tell this story in an effective way. With your help, we can push back against the oil industry's lies and help stop these mines from spreading. Thank you very much. Okay, so these little guys. Come on, Paddington! Woo! J'ai mis un clip de hamster qui nage juste parce que c'est cute et j'en profite pour saluer nos fans de France. On a Marie, Tortue, on a Célia et puis des fois d'autres personnes. Les hamsters sont cute. Mais c'est cruel en même temps. C'est pas ça qui est drôle. Woo! Keep going, Ted! Ooh, Paddington. Look how small they are. Swimming around. Ah! Salut à la maison et partout dans l'univers où tu pognes le Wi-Fi et Internet. Wi-Fi Internet pour toute la famille. Salut, Tommy. Salut, Mathieu. Je t'ai mis Blaster Master en arrière parce que t'avais l'air en feu aujourd'hui. Ah, il y a du feu en bataille, ça. Ah oui, j'aime ça. J'aime bien ça. Cette semaine, je fais de la psychologie, Tommy. C'est comme ça. À Saint-Saëns, tu sais, hein? mon père, il disait vaut mieux avoir appris en arrière d'une boîte de céréales que le cul défoncé par un curé, tu sais. Hey, il disait tout le temps ça. Ah, ça commence fort. Ouais, hein? Fait que il est venu me voir cette semaine, mon fils, puis il me dit Papa, pourquoi que la vie c'est de la souffrance? Hey, j'ai tapé dedans. Je doublais les coups, c'ti. J'ai doublé les coups. Il faut dire que cette semaine, je suis stressé, puis quand les nerfs embarquent, tu le sais, je bégaye des points, Tommy. Ouais, je sais. Bégaye des points. À un moment donné, il a bien fallu que j'arrête de fesser, tu sais. Anyway, il me restait pas plus que 30 secondes avant que la voix recommence, tu sais. J'ai dit, pogne-toi une bière, va jouer avec les aiguilles, puis papa te prépare de quoi. Parce que, en bon parent, t'es stressé, mais hein, l'éducation du flow passe avant tout. Là. Job, relation amoureuse, puis même la version de l'Aigle Noir d'une petite chanteuse de l'Outaouais qu'on nommera pas, mais qu'elle a coché en avant, du coup. Tu sais, c'est. Il est du fun. J'y ai sorti le vieux jeu de cartes de mon père. Il aimait ça jouer aux cartes, le bonhomme. Tellement qu'il incluait souvent des références dans son discours. Là. Il disait carte-toi! Il me traitait de deux de pique puis de trou de cul. Il me gueulait après. Pige dans le lac! Pige dans le lac! Puis il n'y en avait pas de lac, Tom. Ouais, on rit, là, mais. Tu vois que c'est un homme qui avait de quoi me dire. Il y avait une maudite belle collection, hein, des affaires rares, des trésors oubliés. Dans le domaine du jeu de cartes, on le surnommait l'as des bonnes affaires. Non, c'est vrai. J'aime c'est... ça, t'es à cœur ouvert avec ton père à soir. C'est... Mm-hmm. On va en apprendre beaucoup sur toi et ton fils, je pense, oui. Par la bande. Il y en avait toutes sortes, là, des 56 comme on connaît, mais aussi des 78, hein, parce que lui, il était freak un peu. Il pensait que le monde avait oublié un outil essentiel à l'humanité, tu sais. Pas les jeux de cartes, là. Les jeux de cartes, c'est factice, là. La connaissance de soi, Tommy, tu sais. Oh! Ouais, pis là, ben lui, on ne sait pourquoi, comment, blablabla, extraterrestres, terre creuse ou savoir enfoui par des hommes lézards. Ben, tu sais, le tarot, les 22 premières cartes du tarot, tu sais, ben, en fait, ce serait comme un miroir des archétypes de l'humanité, tu sais. Ah, comme mon père disait, Tommy, hein, Chris, arrête de faire ta tapette, pis vas-y au bat. C'est pas parce que ça a l'air mystique que ça l'est vraiment. Faut pas croire ce qu'on te raconte à la TV pis dans les journaux. Ah, il était brutal, hein, l'ancêtre, mais il y en avait dans le ciboulot. Il savait juste pas comment s'en servir, tu sais. Lui, il parlait vraiment de tapette pis de batte. Anyway, j'ai pris le jeu pis j'étais allé dans la chambre à mon fils. Là, on a fermé les lumières. J'ai mis des chandelles un peu partout pis on s'est mis chacun une toge bleue. Pis là, j'y ai dit, ça, c'est la première règle. T'as le droit de dire une phrase. Là, il m'a regardé pis il a dit, papa... La première règle, c'est-tu d'être vigilant envers les charlatans pis les seuses qui te disent ton avenir? Le petit tabarnak. Ouais, c'est ça, il est... Ouais, hein? Intelligent de même. Ouais, ouais, t'es... T'sais, quand t'es fier, là, t'es fier au point... T'es fier au point, Tommy, t'sais, au point, c'est... Y a pas une journée, OK, où je prends pas un petit moment, c'est 2-3 minutes, c'est rien, ça, pour remercier la vie. De me donner le privilège de voir ce petit ninja-là grandir. Je remercie aussi la nature de me doter des capacités de vivre ces moments-là tous les jours, Tommy. Puis je remercie surtout la science de m'avoir permis d'y implanter une puce électronique, Tommy. Qui triple son intelligence. On a réouvert les lumières, puis j'ai posé une petite question. Qu'est-ce que t'as dans tes poches? Parce que, tu sais, ces temps-ci, il fouille des maisons des autres puis il ramasse plein de cochonneries. Là, il m'a sorti 4 affaires. Un petit 2$, un bâton souvenir gravé à fiston de papa, son canif suisse puis sa petite gourde. Ah, déjà, tu sais, j'étais content. Le 2$, c'est sûr qu'il l'a volé, mais le reste, c'est à lui, tu sais. Mon père, il disait, si la majorité t'appartient, t'es en business, tu sais. Puis il avait pas tort. Mon fils possède sur lui en permanence son petit kit de survie, tu sais. Le bâton que j'y ai gossé, là, ben sous un après-midi, là, au parc safari, là, il dit que depuis qu'il traîne ça sur lui, il capte grâce à son intuition la voie à suivre. sais, c'est de l'ordre de l'imaginaire, ça, puis c'est juste lui que ça regarde. T'sais, moi, je me dis, tant qu'il construit ses rêves puis qu'il fait pas juste les rêver, il peut bien rêver, c'est un enfant. Tu sais, moi, je suis juste là pour le moral puis les bleus, Tom. Le 2 piastres, moi, il m'inquiète pas. Je connais ça, moi, le vol. Puis si Fiston pense que c'est comme ça qu'il peut vivre sa vie en volant les pauvres gens naïfs et sincères, ça y appartient, tu sais. J'en serais pas peu fier. Hein. Qui sait? Il deviendra peut-être un modèle. Hein. On dira de lui, c'était un homme de son temps. Mon père, il disait, il savait pas se taire, mais il avait les pieds sur terre. T'sais, il parlait d'un de ses chums, un Jesus, je pense, c'est un chanteur espagnol qui a fait une tournée qui a mal tourné. Jesus. Oh, ils ont écrit un livre dessus. Ah, ok. Savoir! ça date d'une 2000e d'année, genre. À peu près, ouais. C'est, dans le temps qu'il y avait des guitares acoustiques. Ouais. Harmonium, Jesus. Savoir, Tommy, qu'en permanence, ton enfant va s'abreuver à l'aide d'une authentique gourde du Vietnam ayant appartenu à un certain soldat mort, c'est quelque chose de rassurant. C'est sûr. On le dira jamais assez, la guerre, ça forge le caractère. Hein? Puis si cet enfant-là, dans le tumulte des mitrailleuses de sa vie, peut voir arriver une balle ou deux, quelque part, ils ont des chances de ricocher ces balles-là, hein? C'est comme un pare-balles émotif, tu sais. Émotif parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'amour, tu sais. Un pare-balles, là, neuf, c'est 700-800 piastres, Tom. Faut que tu l'aimes, tu sais. Surtout quand tu travailles 60 heures semaine pour un salaire de cul, tu sais. Puis tu te sens tellement seul parce que l'amour de ta vie t'a crissé là. Fait que t'es même plus capable de t'occuper de ta vie. Imagine celle de tes enfants. Un Ginette de Beauport. Un Donald de Terrebonne. Un Mama Ganouche de Rock City Island en Californie. Cette semaine, ils vont comprendre. Cette semaine, y a, ça prend à rien, je pète. J'y ai volé un petit couteau suisse à sa fête de 5 ans, t'aurais dû y voir la face. Je vais pouvoir être trippé puis poignarder, merci papa. Ben de rien, hein? Pis pac! Tu sais, une claque en arrière de la tête, le piton reset, tu sais. Le piton reset! Fiston, dans la vie, faut être responsable, hein? Tu peux pas être trippé à tout vent, là. Tu vas te faire prendre comme un débutant, puis au pire, tu vas apparaître 30 secondes dans un palmarès des 50 moins pires losers du crime à Canal D, tu sais. Personne veut ça sur son dossier, une tâche. C'est vrai. Faut que tu deviennes un ninja. T'es ici, non, t'es là, t'es-tu en haut? Non. Furtif, éclairé dans la noirceur, un homme sans nom, un dieu devant ce qu'il va falloir que t'accomplisses tout le reste de ta vie, là, tu sais. Papa, ça veut-tu dire qu'il faut que j'utilise juste mon couteau dans mes paroles pis pas dans mes gestes? Le bonheur, Tommy, que cet enfant-là m'apporte à toutes les secondes, j'ai même pas besoin, asti, de rien y dire, comprends tout de suite. Savoir que chaque être humain a à s'apporter ces outils-là et qu'il utilise du mieux et ou du pire en même temps, toute la foi, tout ça, ça se mélange dans nos têtes, on devient fou. Moi, ça quelque part, ça réussit à me faire oublier que l'humanité, tu sais, est tout le temps comme ça, puis qu'on peut pas changer ça, puis qu'il y a personne qui le sait, tu sais. On s'en calisse, Tommy, de la souffrance. On est bien au Québec. TV couleur, câblé par-dessus le marché, des prix compétitifs, hein, faut que ça reste actif, tout ça. On est bien en tabarnak au Québec, hein? Ça, c'est vrai. On vote en masse pour le gars qui chante comme la pointe. Waouh, quelle voix! Bon, on vote pas, puis on se ramasse avec Marois. Hein? On est bien au Québec, on les aime, les fous du roi, hein? Les saltimbanques économiques, des genoux qui s'essayent mais qui sont pas comiques, des jeunes abeilles qui piquent des mutants rampants, des coquilles vides, à vide, sous vide, livide, tu... Papa, tu devrais peut-être te calmer les nerfs. Le docteur House, il te l'a dit. Quand t'es stressé, tu fais des rimes. Ça m'arrive, moi aussi, ça. Ben, je l'ai regardé, puis j'ai dit, t'as le droit de dire une phrase. Il m'a dit, puis il a dit, je pense que ça veut dire que même si le monde autour pète des coches, il faut que moi, je réussisse à me calmer. C'est pas de ma faute si tout tourne tout croche. Là, je l'ai pris dans mes bras. J'ai serré du plus fort que j'ai pu. Hey, j'ai senti ses petits os craquer. Puis j'ai dit dans sa petite oreille, « Merci d'être dans ma vie, petit troubadour. » on se sent moins seul en bonne compagnie. Hein? Là, j'ai sacré à voler de sa vie pour être allé manger une crème à la glace. En terminant, 1 plus 1, ça fait pas toujours 2. Ça peut faire 11. Aussi. Se parler tout seul est signe d'une activité cérébrale saine. Puis il faut jamais croire ce qui est écrit en arrière des boîtes de céréales, Tommy. Ça rend fou. J'aime ça. Merci. Merci, Mathieu. On va écouter quelque chose. J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça, cette clip-là. Tu vas voir, c'est comme des outils pour contrôler les enfants. Tu vas voir, oh, oui, j'ai bien aimé ça, cette série-là. Je l'ai vécu, hein? Ouais. Oh, ouais. C'est bon. Super c'est Nanny c'est Control c'est Toys. Oh, ouais. On revient à 70% avec Giz. C'est bon. Merci, Mathieu. Desperate parents all over the world to deal with badly behaved children. Our hookbook to find a new way to draw parents' attention to Super Nanny's new season. And we decided to do that in one of places most visited by them. Toy stores. J'ai vu ça. Horrible. We present Control Toys, a line of educative toys for badly behaved children. A lovely straitjacket to keep hands away from your beautiful furniture. Funny cage. Don't limit their playing. Limit their space. Baby trap chair. It's the end of suffering at mealtimes. And happy heavy ball. No more running around the house. The products were only empty boxes on shelves, but that was enough to shock our target. Isso é uma camisa de força. Meu Deus, mas como é que pode? O fim da correria tem que parar, não acredito. Que louco, mãe, pra aprender. Camisa de força. Upon taking a closer look at the boxes, the following message was found. There are better ways to discipline your child. Watch Super Nanny. Hey, the Super Nanny. In the end, Super Nanny managed to do what every child always tries to do, get the parents' attention. Control Toys by Super Nanny in toy stores next to you. Hey, bonjour Tommy! Salut Giz! Comment ça va aujourd'hui? Je vis des moments pas pires. Ouais? Oh, oui, ça va correct. Ça va tranquille. Écoute Tommy, cette semaine on me disait que les jeux vidéo prenaient beaucoup trop de place dans ma vie. À ça j'ai répondu, ben pourtant c'est très important les jeux vidéo, parce qu'avec eux on peut vraiment analyser le pouls d'une société. D'ailleurs, Grand Theft Auto 5 sort la semaine prochaine. Ça va peser le pouls de la société en esti, hein? Ouais, mais je suis pas là pour te parler de choses récentes. Moi, je suis là pour te parler des erreurs du passé. Et le jeu que je pense qui m'a soulevé le plus de « pourquoi », je l'ai entre les mains ici, et deux fois plutôt qu'une. Ah, pour c'est... vrai, là? Wow, je suis ici. C'est chaque fou. Voyons. Ça y va, je vais enlever ta petite bannière, comme ça on va voir l'original. Alors c'est chaque fou, et oui, incluant Shaquille O'Neal, le joueur de basket, mais pas dans un jeu de basketball, mais bien dans un beat'em up du genre Mortal Kombat ou Street Fighter. Pourquoi? On regarde ça ensemble. Hey, c'est une perte de temps pareil. Oh, Electronic Arts! Mais quand même, seulement tu t'attends à quelque chose. De franchisé. Alors, bon, non, mais dans le temps, c'était de la merde en esti. J'ai de la misère à trouver les mots. On va pas analyser le gameplay trop. Moi, je veux plus analyser le pourquoi. Donc, j'ai choisi le mode... j'arrive pas à lire, mais... Story. Le mode histoire, ouais. Parce que ça commence que Shaquille O'Neal est quelque part pour un tournoi de charité amateur. Ouais, à Tokyo. À Tokyo. Puis là, il fait du sightseeing, qui dit, donc, il se promène de magasin en magasin. Puis là, il rencontre un espèce de... On n'est pas rendu encore. Donc, il va rentrer dans le magasin et il va rencontrer une espèce de vieux sage fou qui va lui dire, « Ah, c'est toi le chosen one, le plus important du monde tout. » Lui, il dit, « Ben, si tu parles d'une célébrité, oui, oui, c'est vraiment moi. » Puis là, Humblement, oui. Donc, c'est ça, il explique, « Non, je suis là pour un match qui va être super enlevant, même si c'est pour la charité. » Fait qu'il va dire non, sans plus attendre, on n'a pas le temps de discuter de ça. On a le petit à sauver. Donc, il faut qu'on se garoche dans un portal qui est justement dans mon backstore. Donc, on mène vers Outre-Tombe. Oui, oui. Ben non, en fait, il appelle ça le deuxième monde. Ah! Moi, je trouve que c'est un peu régressé parce que déjà, au moment que c'est sorti dans les années 80, je pense qu'on était rendu à plus que deux mondes. Ouais. Donc, le deuxième a été quand même assez surutilisé. Donc, Shaquille O'Neal, qui est habillé en joueur de basket, parce que tous les joueurs de basket, quand ils font du sightseeing au Japon, s'habillent en joueur de basket, c'est important. Donc voilà, il va rentrer dans le portal et ça va enfin commencer ce magnifique jeu parce que c'est vraiment important. Ah, misère. J'aime ça un jeu de combat avec une longue prémisse, moi, tu sais. D'habitude, c'est tournoi à ta gueule, genre. Donc voilà, ça commence et on arrive dans une espèce de map à la RPG qu'on doit trouver finalement nos adversaires. Fait que finalement, au lieu d'avoir un peu à la Mortal Kombat qu'on se bat contre les gens un peu aléatoirement et ou dans l'ordre, on doit les trouver comme ça et on les insulte puis on leur dit « Yé où le petit gars? Donne-moi-le, sinon je te pète la gueule. » Puis voilà, et enfin, on peut jouer. Enfin. Et ça... Et c'est parti! Donc, c'est une espèce de Mortal Kombat pas fluide, avec des contrôles vraiment dégueulasses. Si vous voulez une analyse des contrôles, notre ami québécois, le joueur Alpha, a fait une grosse vidéo là-dessus. Donc, tapez chaque fou espace joueur Alpha dans YouTube, vous devriez le trouver. Tester Alpha. Tester Alpha, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit joueur Alpha, je mélange des affaires. Merci Tommy d'être là. Donc voilà, donc nos adversaires ont des pouvoirs de nous lancer de l'électricité et des trucs dans le genre que nous on n'a pas qu'on est Shaquille O'Neal. Ouais, on est un joueur de football. Mais est-ce qu'on peut pitcher des affaires en tant que Shaquille O'Neal? Des ballons de basket ou... J'ai pas trouvé et j'ai pas non plus eu la patience de le googler. Je trouvais que c'était... Parce que ça, en arrière là, de la cassette, ils disent « Lightning Fast Shuriken ». Puis des shurikens, c'est des étoiles de ninja. Ça veut dire que chaque fou maîtrise l'art de pitcher des étoiles de ninja. Wow. Ben, ça a l'air d'être assez user-friendly, des étoiles de ninja, de la manière que j'ai compris. Hey, ben, c'est long garoche. Les combats, hein? beaucoup d'énergie. De vie, hein? et sans comprendre, j'ai gagné le premier round parce qu'il n'y avait plus de temps. Ah. Puis j'avais à peu près une demi-coche d'énergie de plus, donc j'étais content. Je me suis dit, bon, ça va bien. C'est un jeu à finir, parce que c'est important de finir les jeux. Après ça, plus jamais en parler. Ouais. Alors, mon deuxième round, ça va bien. Je me bats encore contre le seul personnage que j'ai vu. Aïe, t'as pitché deux éclairs, t'es rendu au tiers, man. Hey, fuck, hein, ouais, ça va pas bien. Ouais. Là. J'essayais de donner des coups de pied, puis non, ça... Ouais. Double tape vers l'avant, ouais, coup de pied. T'essayais tout le temps de donner le même coup de pied. Ouais. Ça, là, coudonc, t'as-tu déjà joué à des jeux de combat? Ouais. Non, mais c'est vrai que les hits de détection, elle a vraiment pas en bon. En fait, pendant que je donnais des coups de pied, j'arrêtais pas d'essayer de faire des demi-lunes ou des avant-avant. Ah ouais. Ou des, un peu des moves à la Mortal Kombat ou Street Fighter. En avant, corderon par en avant. Oui, en essayant de faire un Hadouken ou un... Ouais. On se comprend. Oui. Absolument. Donc, c'était le troisième round et là, je me suis un peu laissé battre pour voir qu'est-ce que ça faisait quand on mourait. Parce que que devient le monde quand Shaquille O'Neal meurt dans le deuxième monde? Ouais, ouais. C'était vraiment la dans chose le premier monde du deuxième monde en plus. Oui. Ouais. Face à face verte. Ben en fait, c'était peut-être pas le premier. C'est le premier que je suis allé vers, mais c'était peut-être pas le premier. Donc, voilà. Et de type mode arcade... Et je l'ai laissé aller. Donc que... ça, c'était comme Blanca, genre, que tu te battais contre un peu? Ouais, exactement. C'est ça que j'ai pensé. Ouais. C'est ça qui arrive. Ça l'écrit Game Over. T'étais dans le Story Mode. Puis ce qu'on t'a donné comme Story quand tu meurs, c'est Game Over. Ben, c'est une belle histoire. C'est la fin. C'est Game Over, c'est la fin de tout. C'est comme un livre dont vous êtes le héros que tu vas à mauvaise place puis ça l'écrit « Vous êtes mort ». Ouais, vous tombez dans le trou, vous êtes ça, mort. Le monde trichait, il gardait un doigt à l'autre page puis revenait. Ben, ceux qui faisaient pas ça, ils étaient niaiseux, ils pensaient pas pour l'avenir, moi, je pense. Hmm. Parce que ça te tente pas souvent de recommencer au début, comme un petit peu à chaque fou. Ouais. Comme là, t'as chaque hurricane qui est écrit en bas. Ah, OK, c'est chaque hurricane. Chaque hurricane, c'est bon, ça. Fait que bref, il y a des gens qui sont assis autour d'une table. Puis ils se sont dit, faire un jeu vidéo avec un joueur de basketball vedette, c'est une bonne idée. Ouais, pas n'importe lequel, celui qu'on avait juste pas vu assez, tu sais. Même si ça avait été le meilleur jeu de combat au monde. On en avait déjà assez. Et puis là, on va aller écouter ton trailer de Riddick, Rule the Dark. Ah, c'est sérieux? C'est sérieux. Merci. Ça va marcher, là, cette fois-là? Merci, Tommy. Je m'excuse. Je remets dans leur plastique, puis je remets dans les tablettes. Hey, guys, on n'en parle plus jamais. Merci, Giz. I met Vin Diesel because I'm one of the main characters in the new Riddick movie. Here's a little spoiler. Yeah. Let's cut him loose. Worst editing ever. Nah, seriously, I've been asked to make my own version of the movie trailer. Let's watch it. So this ain't nothing new. You get where I'm going with this. Like my trailer. Salut, c'est Bande Pensante, puis je suis sur une montagne. Ouais, les montagnes, c'est cool, ok? Les montagnes, c'est le fun, c'est chill, c'est jeune. Mais faut pas oublier une chose, hein? La prestation de Miley Cyrus au gala des Jutras. Miley. Je sais, tu vieillis, tu grandis, mais je l'ai pas vu le vidéo en fait, mais ça a pas eu l'air de faire l'unanimité ben sur Facebook, hein, il semble y avoir quelques-uns qui l'ont pas aimé. Alors Miley, je te dirais, les montagnes, ça te gagne, hein, pense aux montagnes à la place, viens investir ton argent dans les montagnes. Alors continue de subventionner les montagnes. C'est tellement plein de sagesse. Oui, c'est notre Julien Bernatchez qui ouais. donne son opinion sur Internet ouais, pour faire différent des autres. Nikki Bailey de Logan, West Virginia, est retournée chez elle pour trouver son appartement vidé par des huissiers. Lorsqu'elle leur a demandé ce qu'ils étaient en train de faire, les hommes ont répondu qu'ils avaient reçu l'ordre de vider sa maison par une banque innommée. Le problème est que sa maison avait été complètement payée il y a 25 ans de cela. Il semble que la maison à vider se trouvait sur Godby Heights, alors que la maison de Logan est sur Godby Street. Les items sans valeur ont été crissés au vidange. Bon travail tout le monde, j'espère que vous allez bien dormir. Ouais. C'est vrai que c'est pas pire en esti. On continue. Un homme du Nebraska blâme un sac défectueux de Walmart pour la mort de sa femme. La femme sortait du magasin à rayon et le commis aurait trop rempli le sac de plastique. Alors qu'elle se rendait à sa voiture, le sac a défoncé et une canne de bouffe de 1 litre est tombée sur son pied. Suite à l'incident, une infection que ni les antibiotiques ni les procédures chirurgicales n'ont pu guérir s'est développée. La femme a finalement succombé à sa blessure. L'homme poursuit le géant du bonheur commercial pour ses billes d'hôpital et la souffrance en général. Elle s'est échappée une canette du Walmart sur le pied puis elle est morte. Ouais. OK. Next. Wow. David Wayne Jordan voulait envoyer de la drogue à ses chums en prison, prison de laquelle il venait d'être libéré une semaine plus tôt. Dans un plan James Bondesque, il a tiré une flèche avec un sac de substances illégales tapé après. Malheureusement, son tir a raté la cible et s'est ramassé sur le toit de la prison, a été rapidement localisé par le personnel de la dite prison. Un témoin l'ayant stoulé, la police s'est présentée chez lui et a trouvé l'arc qui avait servi à tirer la flèche. Pardon. Jordan a alors affirmé qu'il chassait l'écureuil près de la prison. Lorsqu'interrogé sur l'utilité d'un sac de potes accroché à une flèche pour chasser l'écureuil, l'homme n'avait aucune explication. Il est allé rejoindre sa flèche en prison. Oh boy, hein? Et finalement, 7 jours après une sentence de 1 an de prison donnée à un homme de l'Oklahoma pour avoir espionné des femmes de l'intérieur d'une fosse septique de toilette publique, on en a parlé la semaine dernière, ben oui. Un autre homme a reçu sa sentence pour un crime semblable. Luc Crisco a plaidé coupable à des accusations de tentative de contact sexuel illégal et d'entrée par effraction après avoir été trouvé dans le trou d'une toilette chimique au festival de yoga de Boulder au Colorado. festival de yoga. Ouais, mais c'est ça. Moi, je me dis, au moins, ça devait être de la marde en santé. Une femme l'a aperçu au fond du tunnel à marde et l'homme serait sorti en catastrophe, couvert d'excréments. Il se serait sauvé en courant. Il a été condamné à 3 ans de prison, donc 1 an de plus que le gars de la semaine passée. On voit, tu sais. La logique. Il ressort la vis. C'est ça. Les toilettes sont interdites. Allez, merci beaucoup, Bruno. Un plaisir. Encore une fois, ça a été très, très, très gratifiant pour tout le monde. On vient de vivre un 70% génial. Restez pas trop loin. Je vais parler pendant un petit bout de temps de La Revanche de Samson, qui est le film de ce soir. Sinon, bon, on s'en va au brouhaha pour écouter ça. On a ici le gars que, je sais pas, mais j'ai la toune dans la tête depuis une semaine. Fait que là, je vais l'avoir passé à 70%. Fait qu'elle va s'en aller, puis elle sera plus jamais dans ma tête. Merci à Bruno. Merci à JP Mortier. Merci à Marcella et Marie-Claude. Poutine versus Poutine. Merci à Guiz. Et puis, il y a Mathieu aussi. Merci au fils à Mathieu. Parce que sans lui, on aurait moins de fun à 70%. Mm-hmm. Ouais. Look at the bacon. Get yourself a double cheeseburger. Damn, damn, damn. Get a grocery bag. Is oozing. Damn, let's do this. Damn, damn, damn. I wish you could smell what I'm smelling. You bite the fry bites back, my man. Damn, damn, damn. Crispy crunch. Damn, look at the bacon. Damn, get yourself that double cheeseburger. Damn, damn, damn. Get a grocery bag. Is oozing. Damn, let's do this. Damn, damn, damn. Do you want a little difference between a wheat burger and a burger that has strength? And a burger that has strength? A wheat burger you can chew and stop talk. A burger with strength you chew. The meat just absorbs all the space and all the air possible all in your throat. To the point that if you want to start talking, nothing but is coming out. Word. Skimble a rinky dinky dink. Skimble a rinky dink. I love you, you, you. Oh my damn. This is how bacon is supposed to be. The fries, they blend so perfectly. The cheese up in here is going ham. Damn, damn, damn. I wish. You bite the fry bites back, my man. Damn, damn, damn. Crispy crunch. Damn. Look at the bacon. Damn. Get yourself that double cheeseburger. Damn, damn, damn. Get a grocery bag. Damn. The cheese is oozing. Damn. Let's do this. Damn, damn, damn. I wish. You bite the fry bites back, my man. Damn, damn, damn. Crispy crunch. Damn. Look at the bacon. Damn. Get yourself that double cheeseburger. Damn, damn, damn. Get a grocery bag. Damn. The cheese is oozing. Damn. Let's do this. Damn, damn, damn. Crispy crunch. Damn. Damn, damn, damn. Get a grocery bag. Damn. The cheese is oozing. Damn. Let's do this.